visage un sourire et tout s'illumine comme une fille de plaisir. Elle nous ensorcelle. Une étoile filante passe dans le ciel. Une fée brillante nous donne des ailes, des ailes, des ailes, des ailes. La mort, la colère, des sentiments qui nous déplaisent. Cherchons en vain la vérité qui nous appelle. Un arbre perd ses feuilles en hiver. Nous on perd notre morale et tout va mal, tout va mal. Une odeur dans le vent, un parfum nous emmène ailleurs, nous téléporte loin. Un autre pays ou une autre planète. Laissez notre imagination faire le reste, le reste, le reste, le reste. La mort, la colère, des sentiments qui nous déplaisent. Cherchons en vain la vérité qui nous appelle. Un arbre perd ses feuilles en hiver. Nous on perd notre morale et tout va mal, tout va mal. Les sentiments qui nous déplaisent.